Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le Népal est l'un de mes pays coup de cœur. À chacun de mes passages à Katmandou, j'aime aller dans les quartiers tibétains et tente de m'immerger dans la spiritualité ambiante. Souvent, je vois passer des moines et étudiants occidentaux sortir des monastères. Gwen est l'une de ces étudiantes rencontrées dans le quartier de Bonnath. Pour l'émission Regarde ailleurs, Gwen, jeune femme canadienne, accepte de nous parler de sa perception du bouddhisme. Non, je pense que le bouddhisme, c'est certainement une réponse, un chemin pour trouver la joie. Pendant longtemps, dans l'Occident, nous avons pensé que nous allons être joyeux ou heureux par des biens. Mais maintenant qu'on a tout ce qu'on veut, on a réalisé que ce n'est pas assez. Et donc, les gens se tournent et cherchent beaucoup aussi dans le bouddhisme des chemins pour être heureux. Et je pense que le bouddhisme a vraiment des réponses à ça. Parce que le bouddhisme nous apprend à trouver la joie en nous. Et je ne dis même pas qu'on trouve la joie, mais plutôt qu'on réalise que le bien et le mal, que être malheureux et heureux, ce ne sont que des concepts. En fait, il y a deux pratiques qui sont très importantes dans le bouddhisme. La première, c'est une pratique de concentration, où on a un objet devant nous et on apprend à se concentrer sur cet objet sans partir avec toutes les pensées qui passent par notre tête. Plus on pratique ça, plus notre concentration sera bonne pour après pouvoir pratiquer des sadhanas, ceux qui sont les textes de méditation, ou bien observer l'esprit. Il est très important d'avoir cette concentration. Ce n'est pas possible tout simplement de se dire « maintenant je vais me poser » et commencer à méditer. Donc il faut d'abord avoir cette concentration. Et après, la deuxième étape, c'est l'aktang, ça veut dire « higher inside ». Et c'est là où on s'assoit et on regarde toutes les pensées, toutes les sensations qui passent dans notre corps sans y attacher aucun concept. Et c'est quand on est à cette étape qu'on réalise que les concepts comme heureux, malheureux, bien, mal, ne sont que des choses créées par notre esprit. Et je pense que cet intérieur, cette réalisation est tellement forte. En fait, c'est comme si que ça pétait tous nos concepts. Et là, être heureux est un stade naturel. Naturellement, nous sommes heureux. Naturellement, nous sommes compassion. Nous avons de la compassion. Pour les bouddhistes, c'est l'essence. L'essence de l'humain, c'est être c'est avoir de la compassion et être heureux. Mais c'est après, avec tous les conditionnements, avec toutes nos pensées, nos concepts, nous nous rendons malheureux nous-mêmes. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Mais ce que tu dis, ça m'interpelle beaucoup, parce que le bonheur, bien sûr qu'on veut tous être heureux, c'est quelque chose qu'on recherche tous, mais est-ce que c'est compatible avec notre vie matérielle où on a mis le concept ou la croyance « time is money », le temps c'est de l'argent, c'est un petit peu là-dessus que tout est basé en Occident, il faut que ça aille vite, parce que le temps c'est précieux, mais précieux parce que ça rapporte de l'argent. Est-ce que c'est compatible vraiment? Est-ce qu'on peut être dans une pratique tout en vivant dans le mode de vie actuel? On peut certainement apporter beaucoup de bienfaits par une pratique journalière de méditation dans notre vie de tous les jours. Mais si on veut vraiment aller au-delà d'être confortable dans sa vie, il faut abandonner la vie normale, je pense. Et c'est là que vient la retraite. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, ils abandonnent leur vie et vont retraiter. En fait, pour ça, une notion est très très importante dans le bouddhisme, c'est le renoncement. C'est comprendre que rien n'a de l'essence, que tout ça ne mène comment ? À rien. À rien. Que tout ça ne mène à rien. Et quand la renonciation est assez forte, quand on a assez bien intériorisé cette vérité, des lamas ou des tibétains lâchent leur vie ordinaire et puis vont en retraite. Alors c'est ce qui m'a aussi surpris en arrivant ici à Katmandou, c'est de voir plusieurs lamas occidentaux. Je m'attendais à voir que des tibétains, mais en fait non, il y a vraiment beaucoup d'occidentaux qui sont là aussi, qui viennent pour découvrir, comprendre, étudier le bouddhisme. Je pense que Katmandou est vraiment un des centres que nous avons dans le monde où on trouve une pratique authentique du bouddhisme. Parce qu'il y a beaucoup de lamas qui vont en Europe ou aux États-Unis pour enseigner le bouddhisme. Mais je pense que ce sont des enseignements superficiels, parce que les gens n'ont pas assez de temps. C'est pas possible d'apprendre une pratique dans un cours d'un week-end, ou bien même une petite retraite d'une semaine, ou des enseignements qui sont offerts à 500 euros dans des petits centres en Europe. Si on veut vraiment apprendre l'enseignement du Bouddha et si on veut le pratiquer, il est certainement bien de venir dans des endroits comme Katmandou pour se poser pendant un moment, une année, et s'approfondir un petit peu ses connaissances par rapport au bouddhisme. Et c'est aussi ici qu'il y a beaucoup de retraites qui sont organisées, et c'est surtout l'endroit où sont le plus de lamas, encore des vrais pratiquants. C'est l'endroit où on peut les trouver. Je pensais aussi en Inde, à Dharamsala, non ? Là où le gouvernement tibétain est en exil, c'est aussi un lieu d'enseignement, un lieu de recueillement. Absolument. Dharamsala aussi, c'est un lieu où il y a des universités bouddhistes. Je ne dis pas que maintenant, en tant que fidéiste ou en tant que cherchant, il faut maintenant tout de suite aller à l'université pour apprendre ce qu'est le bouddhisme. Mais c'est l'endroit où il y a tellement de méthodes qui sont offertes. Soit on apprend le bouddhisme à une école, on fait un cours de 3 mois pendant l'été avec des maîtres, ou bien on va en retraite. Mais c'est les endroits où on trouve les gens qui peuvent donner des conseils, puisque eux-mêmes ont pratiqué ces méditations. Tu me parlais avant de différentes sectes, donc on va redéfinir aussi le mot secte, hein, parce que quand on pense à secte en Occident, on pense à un groupuscule d'extrémistes religieux, c'est plutôt une connotation négative et péjorative, alors que quand on parle de secte ici... Le bouddhisme a 5 traditions, a 5 différentes traditions, les Nyingma, les Sakya, les Karmakagyu, les Gelug et les Bön. Et donc je dirais que ce sont 5 traditions différentes, qui ont des origines indiennes. Et donc, en fait, chacun est basé sur différents textes qui ont été rapportés d'Inde au Tibet. Et de là, se sont formées des différentes traditions de méditation. Donc ces différentes pratiques, chaque école regroupe une pratique différente, ou le but reste le même, finalement, c'est sortir du samsara? Le but reste le même, ce sont juste d'autres maîtres, de différents maîtres basés sur de différents textes tantriques, donc de différentes méthodes qui mènent au même but. Il y a comme 2 grandes traditions dans le bouddhisme. Un, c'est le Theravada, et l'autre, c'est le Mahayana, ou Hinayana et Mahayana. Le Mahayana est divisé en 2. Donc je sais qu'il y a le petit véhicule et le grand véhicule, hein, c'est ça, Hinayana. Le petit véhicule et le grand véhicule. Le grand véhicule est encore divisé en 2. Un, c'est le chemin de la perfection, et l'autre, c'est le chemin des tantras. En Inde, il y avait le curriculum normal monastique, et à l'extérieur de ça, il y avait les siddhas, les grands adeptes, les grands accomplis, qui pratiquaient d'une façon complètement différente. Ils faisaient les pratiques de déité. En fait, ils ont une déité et après, ils commencent à méditer là-dessus. Et l'aboutissement, c'est de comprendre que la déité qu'on pense qui est à l'extérieur, toutes les qualités de cette déité, c'est les qualités que nous avons en nous-mêmes. Et donc, ces textes où tout ça est décrit, Et ces pratiques s'appellent tantra. Donc la pratique du mantra, donc réciter un mantra, fait partie du tantra? Absolument. Et on dit le tantra au tantrayana ou mantrayana. C'est exactement la même chose. Donc la récitation du mantra, ce qui est l'essence de la déité, c'est la même chose que le tantra. Ici, quand on arrive à Bodhnath, hein, donc à Katmandou, on entre, on voit ce stupa, un énorme stupa, donc qui est un monument bouddhiste, hein, dans lequel apparemment est contenue une des reliques du Bouddha Sakyamuni, donc le Bouddha historique. Et toute la journée, on voit des Tibétains, ou pas seulement, mais des gens tourner autour en récitant des mantras, le Om Mani Padme Hum. Quelle est la symbolique, qu'est-ce que c'est, pourquoi tourner autour de ce stupa en récitant ce mantra? Tourner autour de stupa est une façon d'accumuler des vertus. Il est très important d'accumuler des vertus pour mettre ensemble les causes et les conditions pour atteindre l'éveil. Donc en fait, on peut faire des vertus en faisant le don, en être patient, mais faire des circumambulations ou tourner autour du stupa est une façon d'accumuler des vertus. Et en disant le mantra Om Mani Padme Hum, qui est le mantra du Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara ou Chenrezig en tibétain. Et donc, c'est une façon de pratiquer la compassion, de faire monter l'émotion de la compassion en soi. Est-ce que les gens qu'on voit sont conscients? Parce que j'ai souvent l'impression qu'on répercute une tradition sans forcément réfléchir à la pratique en elle-même. Jusqu'à un certain degré, ils savent que ils connaissent la symbolique du mantra, ils savent à quel point il est important d'avoir de la compassion et d'être gentil avec tous les êtres humains, avec tous les êtres en général. Bien sûr, d'un côté philosophique, ils ne s'y connaissent pas. Parce qu'on reste des hommes avec nos forces et nos faiblesses. On peut très bien réciter le mantra Mani Padme Hum en tournant 20 fois autour d'un stupa et rentrer chez soi et battre sa femme. C'est pas incompatible. Absolument. Et je pense que chez les Tibétains, surtout après qu'ils sont venus en exil, tout ça est beaucoup plus un rituel, une façon de garder sa culture, que vraiment comprendre ce qu'est la pratique maintenant de compassion ou à quoi le mantra Om Mani Padme Hum devrait vraiment mener. Donc c'est certainement plus un rituel culturel Une habitude presque. Une habitude qu'une vraie pratique profonde. Et est-ce qu'on peut rencontrer des personnes éveillées? Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a des sages, des maîtres qui donnent des enseignements aujourd'hui à Kakmandou ou ailleurs qui ont cet état d'éveil ou un état réalisé, avancé? Personnellement, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Parce que comme les Occidentaux cherchent, sortent d'un milieu matérialiste et cherchent la façon d'être heureuse, j'ai l'impression que les Tibétains sont sortis d'un état non matérialiste, comment on pourrait dire, et sont rentrés dans ce monde matériel et s'y perdent un petit peu. Donc en fait, plus de moines, beaucoup de moines vont en Occident et puis ne retournent jamais. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de vrais pratiquants. Pour la vraie réalisation, la vie matérielle et la vie spirituelle est incompatible. Il faut vraiment avoir une forte renonciation et lâcher le monde matériel pour pouvoir avoir une réalisation spirituelle. Mais à part ça, il y a encore beaucoup de lamas qui ont cette réalisation, qui ont lâché la vie normale, la vie ordinaire, pour aller en retraite ou pour atteindre l'éveil. Mais ils sont bien cachés. Parce que normalement, le chemin du tantra est un chemin secret. Donc ils ne vont jamais afficher qui ils sont ou ce qu'ils ont atteint. Et je pense que si on suit un maître spirituel qui montre ses accomplissements, on peut être assez certain qu'il n'est pas vraiment authentique ou bien qu'il n'a pas encore atteint un stage assez élevé. Parce que normalement, plus on avance sur le chemin spirituel, plus on devient humble. Certainement, des endroits comme Katmandou ou Dharamsala sont encore des endroits où on trouve des vrais maîtres spirituels. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, regarde d'ailleurs, chemin le plus court pour se découvrir soi. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que des Tibétains réfugiés ici, donc nés au Tibet, arrivés à Kakmandou ou arriver au Népal ou ailleurs, peuvent retourner au Tibet? Comment ça se passe aujourd'hui? Comment les Tibétains perçoivent cette situation? La politique chinoise change tous les quelques mois. Il y a des moments où les portes sont ouvertes pour aller au Tibet ou pour en venir, mais souvent les portes sont fermées, les frontières sont fermées. Donc en ce moment, je pense qu'on est dans un moment où les frontières sont fermées, donc il est très difficile de recevoir des visas pour aller au Tibet en général. Maintenant, pour les Tibétains, il est presque impossible pour un Tibétain qui a fui son pays d'y retourner. Il est plus facile pour un Tibétain de seconde génération qui est né en Inde ou au Népal de retourner dans le pays. Mais pour un Tibétain né au Tibet, il est presque impossible à retourner dans son pays natal. Ou bien il faut qu'il fasse des faux papiers, essayer de trouver un passeport, mais c'est des procédures qui durent beaucoup d'années, qui demandent souvent beaucoup d'argent, et c'est toujours très très dangereux. Parce que souvent, les Chinois après vont essayer de voir à quel niveau ils parlent le népalais ou l'indien, et après quelques années ici, souvent ils ne parlent pas encore la langue, et donc ils vont tout de suite savoir que ce ne sont pas des gens qui ont vraiment vécu longtemps en exil. Donc ils sont originaires tibétaines et là après ils sont emmenés en prison. Donc là on a un ami qui est tibétain, qui a fui le Tibet, qui a été au monastère de Dzangsar, pas loin de Dharamsala, et qui veut retourner pour enseigner dans un monastère dans son village natal. Et il est en train d'essayer d'avoir des papiers ou un passeport, mais c'est très très difficile. Donc il est en train d'essayer de trouver des faux parents et qui atteste que c'est son fils, et tout ça pour retourner dans son pays. Donc en fait, la situation pour les Tibétains est vraiment très difficile. Et le Népal aussi n'est pas un pays d'accueil très chaleureux. parce qu'ils ont des relations avec la Chine. Donc il y a des grandes périodes où je disais que les frontières sont fermées, et là les Tibétains n'ont pas le droit de rentrer. Donc s'ils sont ils sont arrêtés à la frontière et ils sont renvoyés au Tibet. Alors, les Tibétains en exil qui habitent ici au Népal, ils ont quelle situation administrative? Ils ont un passeport népalais, une carte de réfugié? Comment ça se passe? Souvent, ils vivent ici sans rien. Les Tibétains qui s'enfuient vers l'Inde reçoivent des cartes de réfugiés, mais c'est beaucoup plus difficile de recevoir ça au Népal. Mais je ne connais pas vraiment très bien la situation. Bien sûr, il y a la situation était plus simple après l'invasion des Chinois. Là, le gouvernement était beaucoup plus le gouvernement népalais était beaucoup plus gentil ou aidant, je ne sais pas, ouais, aidant. Mais de nos jours, c'est difficile. De recevoir des papiers ou de vivre ici. Mais les gens qui sont venus au début ont pu s'acheter un bout de terre. Et, par exemple, Boda leur a été donné comme endroit où ils pouvaient s'établir, comme la même chose par l'État indien à Dharamsala. De nos jours, ça devient de plus en plus serré. En tout cas, c'est donc pour ça qu'ici, que beaucoup de Tibétains se retrouvent à Boda. Hein. C'est vraiment le lieu de l'exil des Tibétains ici au Népal. Il y a trois endroits à Katmandou. En fait, Boda, c'est un quartier tibétain parce que la stupa est très important, a une symbolique très forte et a été déjà depuis longtemps un endroit de pèlerinage pour les Tibétains. Un autre endroit est Swayambhu, qui a aussi une stupa et qui a aussi cette connotation spirituelle très forte pour les Tibétains, qui est aussi un endroit de pèlerinage. Et encore un troisième endroit qui se regroupe autour d'un centre de réfugiés à Djavlakel, où il y a aussi beaucoup de Tibétains qui y vivent. Ouais. Mais bon, en fait, deux endroits qui tournent autour de cet endroit saint, et le troisième qui s'est créé parce qu'il y a un grand centre de réfugiés tibétains. As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free one day, one day, one day. And if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true. Tibet will be free. Tibet will be free. Tibet will be free. On disait avant, la vie matérielle et la vie spirituelle ne sont pas toujours compatibles. Et donc je pense aux sadhus qui eux ont fait le choix de renoncer complètement à la vie matérielle. Et ces sadhus, donc hindous, hein, on les retrouve à Pasipatinath. Et c'est souvent des renonçants hein, qui choisissent de vivre soit nu, soit de rien, de pas grand chose. Est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à l'hindouisme et aux sadhus ? Je me suis intéressée à l'hindouisme pour comprendre un petit peu la différence entre les deux religions, surtout d'un aspect philosophique. Ce qui est important pour les hindous, c'est l'ascétisme. L'ascétisme n'est pas très important pour les les bouddhistes. Ou en fait, c'est faux ce que je dis, c'est pas que c'est important ou pas important. L'ascétisme, c'est pas le bon chemin pour atteindre le but. Parce qu'en fait, le Bouddha, il a utilisé l'exemple d'une vinaya. Si les cordes sont trop tendues, tu ne peux pas faire de la musique. Si elles ne sont pas assez tendues, il n'y a pas de son non plus qui viendra. Donc en fait, il faut juste l'équilibre, the middle way, pour la pratique. Donc les bouddhistes ne suivent pas du tout le chemin ascète comme le font les hindous. Et par rapport à mon intérêt philosophique, en fait, c'est venu parce que mon mari est népalais et il a été un hindou avant. Et à un moment donné, il s'est converti au bouddhisme. Mais pour changer de chemin, il a vraiment beaucoup dû réfléchir et se demander quelle est la différence entre les deux religions. Pourquoi, en tant qu'hindou, je vais lâcher ma religion pour devenir bouddhiste? Quelle est la différence? Et en fait, il y a une philosophie dans l'hindou qui est la philosophie la plus haute, ça s'appelle le Vedanta. Eux, ils disent que l'illumination, c'est être un avec tout, être un avec Brahma. Et quand ils ont réalisé cet état d'être un, c'était un état de clarté, de luminosité, on dit aussi, c'est pour eux l'illumination. Et le maître, notre maître, ou surtout le maître à mon mari, il a été un hindou avant aussi. Et il a pratiqué ce système Vedanta pendant beaucoup d'années, jusqu'à temps qu'il a atteint l'illumination dans cette tradition. Après avoir été pendant 5 mois dans cet état euphorique, il s'est dit que ça ne pouvait pas être l'aboutissement, ou the goal, that can't be it. Et il a continué à chercher, il est allé dans la tradition zen. Mais ce qui était très difficile à l'époque, parce qu'envoyer une lettre au Japon et attendre la réponse prenait plusieurs mois. Donc il a lâché la pratique japonaise. Et quelqu'un lui a suggéré d'aller voir chez les bouddhistes. Surtout ce qu'on appelle le Vajrayana, le chemin des tantras. Mais bon, par des coïncidences, par des hasards, il a rencontré un grand, grand maître bouddhiste, c'était dans les années 70, qui l'a introduit dans la nature et l'esprit. Et ça, c'était, il a dit, une telle bombe qu'à partir de ce moment, il a commencé à pratiquer le bouddhisme tibétain. Il est rentré en retraite et là, ça fait 18 ans qu'il est en retraite. Il a décidé de rester pendant 20 ans, donc il va sortir après 2 ans. Les premières 6 années de retraite, il a fait une retraite silencieuse, il n'a pas parlé et personne ne pouvait le voir. Et après 6 ans, son maître lui a dit que c'était bien si les proches disciples pouvaient le rencontrer de temps à autre pour avoir des advice par rapport à leur pratique. Et donc maintenant, il est accessible pour les proches disciples. Mais c'est intéressant de voir ce mouvement chez quelques hindous de conversion au bouddhisme. En fait, le bouddhisme, les origines du bouddhisme sont au Népal. Parce que Bouddha Shakyamuni est né à Lumbini, au Népal. Et après, ça s'est répandu en Inde. Et il y a une prophétie du Guru Padmasambhava comme quoi le bouddhisme allait se répandre en Inde au XIIe siècle. En Inde, le bouddhisme était éradiqué ? Plus ou moins éradiqué. Les grands monastères comme Nalanda et tout ça, a tout été cassé par les Arabes. Et le bouddhisme est venu au Tibet et revenu aussi au Népal. Je ne peux pas dire revenu parce que ça a toujours existé ici. Mais en fait, par rapport à cette prophétie, c'était que le bouddhisme allait se répandre. Venant du Népal, ça allait se répandre en Asie. Et au moment où ça allait revenir au Népal, après ça, ça allait se perdre. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.